inside a lotus-covered door. A veil of moonlight on her lonely face. How pale the hand that held me in embrace. My sails tonight are filled with perfume of Shalimar. And temple bells will guide me to the shore. And then I'll hold her in my arms and love the way I loved before. On a little street in Singapore. So long, Singapour. Le lendemain, quand Faustine sort, elle constate que le tapis a été changé dans l'ascenseur. Bonjour, aujourd'hui nous sommes mardi. Ce matin, elle décide de se promener dans Holland Village. Il y a de petites échoppes, comme dans un souk. C'est tout de même plus humain que les gigantesques centres commerciaux aseptisés qui pullulent sur Orchard Street. Elle recherche un extracteur de jus comme ceux qu'elle a vus au Newton Centre hier. Ce type de machine, avec une si grande ouverture, semble vraiment pratique. Voilà qui serait bien plus facile à utiliser que les appareils vendus en Europe, qui sont fabriqués en Chine aussi, mais bon. Non content d'être hors de prix, il bourre vite, vous obligeant à les vider et les nettoyer après chaque pomme ou presque. Hélas, Faustine se rend vite compte que ce ne sera pas possible, à cause des branchements et des voltages. Il faut un adaptateur spécial et sans doute un courant différent. La jeune femme renonce, la mort dans l'âme. Elle qui pensait avoir enfin trouvé la solution à son problème d'alcool. Continuant sa promenade, elle note au passage toutes les contrefaçons qui sont proposées ouvertement un peu partout. Stewart Jerome les avait prévenus. Les Asiatiques sont les rois de la fraude commerciale et du pastiche. Mais c'est tellement amusant de voir comment ils s'y prennent. Partout, on vous propose des sacs estampillés Chanel, en long, en large et en travers. Ce n'est qu'un début. Les robes Dior sont imprimées pareillement, ainsi que les sacs Gucci, les cravates et les chemises pour hommes Pierre Cardin. Faustine rit. Ça lui fait penser à la pub du port Salut, c'est écrit dessus. Quel sens de la publicité! La touriste se fait souvent arrêter par des vendeurs proposant un costume ou une robe sur mesure. Elle décline, elle repart, demain. Mais les marchands insistent et prétendent pouvoir exécuter n'importe quel modèle dans la nuit. « Il sera prêt demain matin, avant votre départ », affirme-t-il catégorique. Faustine imagine toutes ces petites couturières travaillant jour et nuit dans des ateliers surchargés. Un jour, elle a vu un film sur l'une de ses manufactures. Un incendie s'était déclaré au dernier étage, étouffant les ouvrières. Puis tout l'immeuble s'est effondré. Il y avait eu 400 morts. Ce que ces pauvres femmes ont subi, juste pour assurer leur survie, révolte Faustine. De plus, ce sont eux, les Occidentaux, qui en profitent. Elle a honte pour les esclavagistes, honte de profiter de ce système. Refuse d'être complice, mais en même temps, devant les supplications pathétiques, boycotter leurs produits, n'est-ce pas dénier à ces gens l'opportunité de gagner leur riz? À ce propos, Maxime lui a demandé d'effectuer une livraison dans la zone industrielle de Singapour. Une expérience bizarre autant qu'étrange. Faustine, pour cela, a dû prendre un métro, puis un bus, et enfin marcher longtemps sous un soleil implacable. Elle s'est perdue plusieurs fois malgré des indications précises. Finalement, arrivée à la bonne adresse, elle a parcouru des kilomètres de couloirs déserts avant de trouver le bureau sur lequel poser le paquet attendu. Et pendant tout ce temps-là, elle n'a vu personne. Rien, nib, pas un chat, ni dans la rue, ni dans les bâtiments. La planète était déserte et il n'était même pas midi. Elle a eu cette impression d'être une missionnaire en visite dans un village perdu dont tous les habitants auraient fui jusqu'à la montagne voisine. Au milieu de la semaine et en plein jour, c'était déconcertant. Où sont donc passés les milliers d'employés supposés remplir les cases? Elle ne le saura jamais. De retour en centre-ville, la chargée de mission poursuit sa chasse aux cadeaux interrompus hier. Elle déniche de ravissants kimonos en coton pour les filles de Maxime, un rouge pour la brune Anaïs, un bleu pour la blonde Daphné. La mère de Maxime, quant à elle, recevra un foulard Hermès, vraie contrefaçon qui ne l'affiche pas. Dans la foulée, Faustine s'est trouvée, pour elle-même, une petite pochette en tissu brodé noir et or, de facture typiquement chinoise. Elle peut y enfiler ses bagues, glisser ses colliers, ranger ses bracelets, ainsi que ce joli pendentif en présumé jade, la modicité du prix créant le doute. Elle achète encore des éventails pour les filles du bureau. De son côté, Maxime, subjugué par la grâce des jeunes femmes asiatiques, lui a suggéré de se vêtir à l'identique. Une sorte de tunique à col mao et une jupe droite ajustée, tombant à mi-mollet. Un costume tout de soie brodé, bien entendu. Faustine repère un magasin qui en propose dans de très beaux motifs. Un coup d'œil au portant lui suffit pour constater que c'est peine perdue. Jamais elle n'entrera dans le plus grand d'entre eux. Un essai pour la forme confirme son intuition. La jupe ne dépasse pas le haut des cuisses. C'est évident, le gabarit européen ne correspond pas du tout aux formes asiatiques. Une fois encore, l'habit ne fait pas la moniale. Les jolies poupées androgynes que Maxime admire tant n'ont rien à voir avec le type caucasien de Faustine, comportant des épaules et des hanches. Nouveau renoncement. Elle repense au mépris affiché par la mère de Pearl Buck pour les pieds immenses de ces grossières anglaises colonisatrices. À son tour, elle se sent pataude. Marchant dans la rue, le nez en l'air, Faustine se retourne souvent sur l'une ou l'autre personne que poursuit une drôle d'odeur, mantelée et gonflée. Elle porte également sur le visage d'étranges traces rougeâtres. Y a-t-il une ethnie indienne à Singapour? Quand elle se renseigne, on lui explique qu'il s'agit de baume du tigre, un onguent puissant qui guérit à peu près tout. On peut même le dissoudre dans de l'eau chaude en cas de toux. Mais il est surtout souverain pour les maux de tête et les contusions. À en croire le nombre d'utilisatrices, les Singapouriennes ont souvent mal à la tête. « Ici aussi, pas ce soir, chérie, j'ai la migraine !» doit être une ritournelle contraceptive efficace. Les jours suivants aussi, les deux amants se nourrissent et s'abreuvent dans les petits marchés aux nombreuses échoppes. Le portier de l'hôtel leur a expliqué que le gouvernement a imaginé ces centres afin de débarrasser les rues des marchands ambulants trop nombreux qui faisaient des ordres. On ne sait pas si c'est une histoire de place ou de trafic possible. Un soir, Maxime et Faustine s'aventurent jusqu'au bord de mer. Ici, les étals proposent plus naturellement des plats à base de poissons et de crabes. Ce qui les frappe après quelques repas, c'est que personne jamais ne propose de serviettes en papier. Elle a bien vu qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres, mais quand même, à croire que tout le monde se lèche les doigts. Mais non, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas remarqué ces personnages bizarres, handicapés pour la plupart, qui passent entre les tables en proposant leur petit étalage, des mouchoirs de toutes les tailles et couleurs. Pendant que Maxime et sa compagne investissent dans un paquet, l'homme leur explique, dans un anglais approximatif, qu'il l'aide à gagner dignement sa vie tout en se rendant utile à la société. Après s'être bien rempli la panse, comme dirait le grand-papa Bertschin, celui de Faustine, les deux amoureux font quelques pas sur le bord de mer, terminant leur balade digestive par une visite au Merlion, emblème de la République de Singapour. Maxime poursuit l'éducation de Faustine. Tu vois, cet état que nous avons tendance à admirer un peu trop n'est rien d'autre qu'une démocratie autoritaire ou, si tu préfères, une dictature bienveillante. Et ils vivent de quoi, au juste, à part le tourisme? Oh, de beaucoup de choses, de la vente d'armes, entre autres. La plus grande partie de leur économie repose sur des services bancaires et financiers. Pas pour rien qu'on la surnomme la Suisse de l'Asie. Ils ont également des chantiers navals. et des raffineries de pétrole. Mais surtout, c'est une plaque tournante entre la zone Pacifique et l'Europe. Une cité marchande aux confins de l'Orient et le deuxième port du monde après Shanghai en termes de trafic. Le tout est contrôlé d'une main de fer par la même famille au pouvoir depuis 1965. Avec le peu de ressources naturelles qu'ils ont, ils peuvent se vanter d'une extraordinaire réussite. On dit de l'économie de marché singapourienne qu'elle est un modèle de transparence exempte de corruption. Fichtre, tiens, c'est des choses. On dirait un guide géopolitico-économico-touristique. Yes! Pendant la pause déjeuner, j'ai eu le temps d'apprendre par cœur les dépliants qu'on donne aux étrangers. Pas sur la vente des armes, bien entendu. Ça, c'est un étudiant qui me l'a confié sous le sceau du secret. Ah, et il m'a dit aussi qu'ils avaient l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Donc, quand on sera vieux et malade, on reviendra. Ha ha ha! Dans tes rêves, je ne pourrai jamais vivre dans une dictature. Tu t'imagines qu'en Suisse, c'est si différent? Ils font passer la pilule autrement, c'est tout. Et ici, si c'était ta norme, tu accepterais comme les autres. Tu n'aurais tout simplement pas le choix. Tu as juste été trop gâtée, mademoiselle. Sans regret. Trêve de plaisanterie. J'aimerais bien visiter le Tiger Balm Garden et le parc Durand. Tu t'en occupes? Bonne idée. Je vais réserver tout ça à l'hôtel. Tu voudrais des visites guidées? Non, je pense que tu peux juste prendre les billets d'entrée à la réception et te renseigner sur le moyen d'y aller. Une fois sur place, on avisera. Je ne crois pas qu'on aura besoin d'un guide pour regarder voler des papillons. Et sinon, qu'est-ce que tu aimerais visiter d'autre la semaine prochaine? Sentosa? Bof, non. Mes élèves m'ont dit que c'était surfait. Par contre, visiter une plantation de caoutchouc m'intéresserait bien. Le jardin botanique aussi. Et pourquoi ne pas faire un saut en Malaisie? Il paraît qu'à Kuala Lumpur, il y a des temples extraordinaires. À Johor aussi, d'ailleurs. Tu regardes tout ça? D'accord, je m'en occupe. Faustine a bien travaillé. Elle a trouvé des offres irrésistibles. Par contre, en ce qui concerne les temples malais ou la plantation de caoutchouc, impossible de s'y rendre par ses propres moyens. Une visite accompagnée est obligatoire. Sécurité nationale oblige. Faustine a trouvé une offre qui propose de voir les deux le même jour. La plantation sur l'île de Pulau Ubin et un temple à Johor en Malaisie. Le samedi suivant, Maxime et Faustine commencent par rejoindre le parc du Jurong, celui dont le steward leur a dit qu'il contenait les plus belles espèces d'oiseaux en liberté au monde. Flamants roses, perroquets de toutes espèces et couleurs, pélicans, manchots, pendant 4 heures, les promeneurs flânent dans un univers extraordinairement exotique. Ils assistent au spectacle proposé, empruntent le monorail et vont même jusqu'à nourrir les loriquets. Pour certaines races, on a construit des serres gigantesques qui donnent l'impression d'être en pleine nature au milieu d'animaux en liberté. Car il y a aussi des salamandres, des iguanes, des lézards et des tortues, dans un fouillis végétal exubérant. Après le jardin aux oiseaux de Jurong, il leur reste un peu de temps. Ils décident d'aller voir celui du baume du tigre, plus tard appelé Villa Haupar. C'est un parc à thème axé en grande partie sur les traditions bouddhistes. Il est habité de statues étranges et merveilleuses, très didactiques, des galeries en plein air prodiguent, à l'aide de panneaux et de dessins, des enseignements sur la morale et l'éthique chinoise. Il y a peu de monde. Maxime et Faustine errent quasiment seuls, dans cet environnement chimérique. Ils ressentent une fascination un peu trouble, exacerbée par les statues d'Hécatie et la musique des années 20 et 30 qui résonne au travers de haut-parleurs grinçants. Dans une grotte est proposée une exposition appelée « The Ten Courts of Hell ». Un placard détaille les peines sévères qui attendent en enfer les coupables de crimes terribles. Les deux amants ne peuvent s'empêcher de rire quand ils lisent que les crimes en question concernent en priorité la désobéissance aux parents, la facturation à un taux d'intérêt élevé ou encore l'ingratitude. Les statues présentées quant à elles sont tellement incongrues et ringarde que l'on ne saurait avoir peur, bien au contraire. les têtes coupées en stuc recouvertes de peinture rouge, les roues et les chaînes, les instruments de torture multiples et divers sont représentés si naïvement, si puérilement, qu'on a du mal à les prendre au sérieux, tout comme l'avertissement qu'ils sont supposés représenter. Beaucoup plus loin, Faustine commence à avoir sérieusement mal aux pieds. Une petite galerie en dit plus sur la manière dont l'herboriste Hao Shuqing a développé le baume en 1870 en Birmanie et transmis la recette de père en fils jusqu'à ce jour. La visite guidée que Faustine a choisie les mènera dans une plantation de caoutchouc sur l'île de Pulau Ubin qui se trouve sur le territoire singapourien entre l'île de Singapour et la Malaisie. Dans l'autocar de grand luxe agréablement climatisé, la guide, dans un français impeccable, alors qu'elle n'a jamais quitté son île, leur raconte des choses passionnantes. Sur 2 413 900 habitants, 74,3% sont des Chinois, 13,3% des Malais et 9,1% des Indiens. Et le reste vient d'Occident. En ce qui concerne les religions, 33% de la population sont bouddhistes, 18,8% musulmans, 14,9% sont chrétiens, dont 360 000 catholiques romains. 11% sont taoïstes et 5% hindouistes, le tout vivant en bonne harmonie. Maxime relève « en bonne harmonie ». Bien sûr qu'ils ne vont pas dire le contraire. Surtout éviter de mentionner ceux qui sont morts au nom de cette harmonie. Tu crois qu'elle va nous bassiner toute la journée avec ses pourcentages et ses statistiques? Faustine sourit sans répondre. La guide poursuit, expliquant que la partie ouest de l'île a été volontairement conservée à l'état naturel, parfois même vidée de ses habitants. Est-ce que c'est parce que l'armée y a élu domicile avec sa base aérienne? Question pernicieuse s'il en est. Officiellement, c'est pour trois raisons. Conserver des zones naturelles, favoriser les captages et les réservoirs d'eau douce disséminés sur l'île de Singapour, au cas où la Malaisie déconnerait, et enfin un terrain idéal pour l'entraînement à la guerre de jungle. Harzo, chuchote Maxime, tout explique. La guide persévère. Les zones vertes servent aujourd'hui d'habitat à toutes sortes d'animaux sauvages, varans, lézards, tortues et singes. Regardez bien, avec un peu de chance, vous en apercevrez quelques-uns. Et tout le monde se tordre le cou dans toutes les directions, pendant que les deux Frenchy en profitent pour s'embrasser. La plantation elle-même est vraiment impressionnante. Un travailleur leur explique comment on saigne l'hévéa, comment on le fait pleurer sur l'écorce entaillée, afin d'en récolter la précieuse sève. Ce sont les Anglais qui ont introduit les EVA en Asie, en Malaisie surtout, après les avoir volés, au péril de leur vie, en Amazonie. Faustine commente à Maxime. Il faut vraiment qu'ils aillent mettre leur nez partout, ceux-là. Piller, corrompre, envahir. Quels impérialistes! Ils ne sont pas seuls, tu sais. Nous, les Français, n'avons pas fait mieux. Je ne mentionne même pas les Américains. Dans l'histoire des civilisations, sitôt qu'un petit chef cupide et vindicatif peut lever une armée, ils s'empressent de coloniser toutes les ressources intéressantes. Encore aujourd'hui d'ailleurs, il suffit de voir les effroyables conflits engagés aux seules fins de s'approprier le pétrole. Faustine soupire. Si seulement l'humain était capable de rester chez lui, se contentant de ce qu'il a, laissant leur richesse naturelle à ceux qui les ont reçus originellement. Pour elle, les malheurs du monde découlent de la rapacité des hommes et de leur soif de pouvoir. Elle regarde les pauvres esclaves, souvent des femmes d'ailleurs, occupées à transporter de lourds tonneaux remplis de la précieuse sève qui se transformera bientôt en pneus, alaises, bandes élastiques ou semelles de chaussures, parmi des millions d'autres utilisations. Faustine remarque aussi, un peu déçue, qu'il n'y a pas de stand offrant des boissons ou des spécialités du cru, encore moins de boutiques proposant des produits dérivés. Manifestement, la demande n'existe pas. Ça aurait été rigolo, pourtant, de rentrer avec un objet provenant de la plantation. Une pelle en caoutchouc ou un paquet d'élastiques. Sans compter qu'elle a faim. Après la visite, le bus se dirige vers la frontière malaise. Les passagers descendent se dégourdir les jambes pendant que les douaniers vérifient les passeports. Faustine en profite pour s'offrir un paquet de chips et un hamburger. Il n'y a pas de choix, tant pis. Elle a eu tort de se presser. Le autocar restera bloqué une bonne heure à cause du seul Français visiteur, Maxime. Il paraît que les Malais n'aiment pas les Français. Allez savoir pourquoi, se moque Faustine. Heureusement, on finit par leur donner l'autorisation d'entrer dans le pays. Les 49 autres touristes applaudissent. À Johor, puis à Kuala Lumpur, ils visiteront des temples hindous et taoïstes de toute beauté. Faustine est impressionnée par la luxuriance des jardins et des statues, des hôtels débordant d'offrandes et de guirlandes en monnaie papier. Au soir, quand la visite se termine, elle garde en mémoire un foisonnement de couleurs et de formes, de parfums et de sons qui l'accompagneront tout au long de son voyage de retour vers l'Europe.